notre souveraine est téméraire. Elle part si souvent en guerre, les angoisses bien chevillées, sans peur au mépris du danger. Elle est aussi jouvencelle pour mieux tirer toutes les ficelles de mécanique bien huilée. Quand on ose lui résister, c'est s'attaquer à un empire avec la lame d'un sourire, ou envoyer sa cavalerie se briser sur son artillerie. Alors pour que la servitude passe son chemin pour le meilleur, on va sous d'autres latitudes ironiser sur sa grandeur. Notre souveraine a du génie pour incarner la tyrannie. Le moindre signe de résistance est une offense à sa puissance. C'est pourtant elle qui nous éclaire, nous qui faisons de notre mieux pour cacher notre misère. Nous qui ne sommes que des gueux, elle d'un banquet sans faire semblant, et nous donne ordre de ripailler pour que dans 20 ou 30 ans on puisse se dire j'y étais. Mais quand seront ses victoires, on aura tôt fait d'oublier les martyrs de ses armées. Notre souveraine a son prestige sur l'héritage d'une longue lignée. La marche de l'histoire se fige tant que survivent les majestés. Voici la reprise en main, avec le courroux du pouvoir. La répression, ça va facile, et beaucoup choisissent l'exil, mais qu'on ne le désire pas.